Chapitre 2e, Monsieur René. C'était le soir du lundi gras de l'année 1690. Il fallait aux Malouins qui célébraient ce carnaval une singulière ardeur pour le plaisir, car ils venaient d'apprendre que les Anglais se préparaient à bombarder leur ville pour la troisième fois. Exaspérés des victoires de ces braves corsaires, la populace de Londres s'était portée en masse au Parlement et avait menacé les lords de les jeter dans la Tamise, s'ils restaient sous 15 jours pierre sur pierre à Saint-Malo. L'amirauté anglaise avait donc fait bourrer de poudre, de salpêtre et de mitraille le plus énorme brûlot qu'eût encore inventé le génie de la destruction, et elle avait lancé vers la Bretagne cette machine infernale escortée de 8 ou 10 navires de guerre. Malgré cette formidable attente, le lundi gras n'avait jamais été plus brillant à Saint-Malo. Tous les navires étaient pavoisés dans le port, tous les cabarets retentissaient de chants bachiques, et une foule de masques bariolés amusait la population sur les quais et sur les remparts. Le chef et le bout en train de ces bandes joyeuses étaient un beau jeune homme de 17 ans, chez qui la valeur n'avait pas attendu le nombre des années. Grand et vigoureux, leste et découplé, la main blanche et fine, la démarche superbe, la mine avenante et quelque peu bravache, de longs cheveux bruns bouclés et flottants, la moustache en croc et vierge du rasoir, le teint coloré par un sang généreux, le nez légèrement aquilin, les yeux d'un bleu de mer, limpide et transparent, les sourcils épais et sombres, le front large et découvert, tel était le gentilhomme. Ses compagnons l'appelaient René ou Monsieur René, et il avait sans doute de bonnes raisons pour cacher son nom de famille, car il imposait silence à ceux qui s'avisaient d'en prononcer la première lettre. Du reste, on voyait que ce simple nom, Monsieur René, était singulièrement populaire dans toute la jeunesse de Saint-Malo. Quant à nous, qui pouvons être indiscrets impunément, disons bien vite au lecteur que le véritable nom de ce jeune homme devait être un des plus glorieux du grand siècle de Louis XIV. C'était tout uniment René Duguay Trouin, le futur vainqueur de tant de batailles, le futur conquérant de Rio de Janeiro, le futur chef d'escadre du roi, etc., etc. Loin de prévoir alors une si haute destinée, sa famille voulait en faire un magistrat ou un consul et l'avait envoyé à l'université de Caen, où elle le croyait affublé de la robe et penché sur le code justinien, tandis que le garnement traînait la cape et l'épée de foire en foire, jouant sonore sur tous les tapis verts, son cœur contre tous les beaux yeux et sa vie sur tous les écueils de la Manche. Il avait enfin couronné tant d'audace en venant fêter les jours gras à Saint-Malo pendant une absence de son père. Suivi des enfants de la noblesse, de la bourgeoisie et du peuple, comme un roi l'eût été de sa cour et de ses sujets, M. René menait donc depuis le matin, de folie en folie, son cortège de carnaval, jetant l'esprit à pleine bouche et l'argent à pleine main, donnant ici des sérénades et là des charivaris, distribuant aux dames les dragées et les sourires, aux pères et aux maris les mystifications, aux insolents les bourrades et les coups d'épée, faisant rire tous les bons diables et damner tous les honnêtes gens, bravant à la fois la marée-chaussée, le guet et la garnison, dirigeant un combat naval en costume de chef d'escadre, président aux joutes du port sous l'habit d'un simple matelot, conduisant une troupe d'encens de bayadères sous la pelisse dorée d'un nabab, et jouant, avec la robe d'avocat, la perruque et le bonnet carré, une farce de palais que Racine eût ajoutée aux plaideurs. Après tous ces jeux et toutes ces transformations, M. René disparut soudain vers 5 ou 6 heures. Il alla dans une auberge ignorée reprendre ses habits, qui n'avaient rien de commun avec ceux de la basoche. Les demi-bottes molles en cuir jaune, les amples culottes à la Louis XIII, le juste au court brun sous le petit manteau noir, la ceinture écarlate nouée sur la hanche, le feutre gris relevé par devant, la plume rouge sur l'oreille, et la rapière au côté. Ainsi équipé et digne d'être peint par Van Dyck, notre héros courut au port, se jeta dans un canot, le poussa au large, saisit 2 rames, et les maniant avec autant de force que d'adresse, traversa le détroit qui s'étend de Saint-Malo à Dinard. Tout voyageur qui entre à Saint-Malo ou qui en sort par l'ouest, le nord et le sud est obligé de franchir ces 2 milieux de mer qui sert d'embouchure à la Rance. On y trouve donc à presque toute heure des bateaux prêts à mettre à la voile. Une conque marine appelait autrefois les passagers. Aujourd'hui, c'est une cloche qui remplit cet office. Si M. René se servit à lui-même de batelier, c'est qu'il voulait arriver plus vite et partir l'incognito. Il fut trompé sans le savoir dans ses dernières espérances. Il eut beau rabattre son grand chapeau sur ses yeux, un homme de mauvaise mine qui l'avait suivi jusqu'au port le reconnut au moment où il s'embarquait. « C'est bien lui, » dit cet homme avec un regard d'oiseau de proie. Et il courut avertir une dizaine de personnages, non moins hétéroclites que lui-même.